Prenez soin de votre corps, c'est le seul endroit où vous êtes forcé de vivre. La santé, c'est un esprit sain dans un corps sain. Abra le corps. Bonjour auditeurs. C'est depuis la nouvelle terrasse de mon nouveau chez moi que je vous parle. Je vous propose aujourd'hui le premier épisode d'un nouveau cycle qui me tient à cœur depuis longtemps. Depuis que je m'interroge sur les racines de nos visions de nos corps et des corps des autres, à ce qu'on y projette et investit, mes réflexions et mes sensations, au fil de ces pensées, réagissent toujours aux espaces particuliers dans lesquels je perçois nos corps évoluer. Si j'en ai particulièrement pris conscience en rencontrant des personnes de cultures différentes, notamment revendiquant leur nationalité indigène en Équateur et une cosmovision propre, cette pensée m'habite vraiment, me permettant de mettre des mots sur des liens que j'ai toujours faits entre la manière dont je me percevais comme partie intégrante, ou en tout cas extrêmement liée, aux environnements que je traversais. Je m'y confierai peut-être au fil des différentes interviews à ce sujet, mais j'ai un rapport aux espaces et aux lieux très fort et particulier. Ces derniers mois, comme pour beaucoup de personnes, le confinement a ravivé pas mal d'angoisses et de sentiments d'insécurité à nous voir assignés à des espaces précis, souvent rétrécis, et pas forcément ceux dans lesquels on se sent le mieux. Avec plusieurs des personnes qui me sont chères, nous avons vu beaucoup d'autres personnes perdre leur maison ou errer d'une maison à l'autre. Nous avons aussi vécu l'expulsion d'un lieu qui nous avait servi de refuge social, artistique et militant pendant une partie de cet hiver sinistre. Pour ce premier épisode, j'ai souhaité interviewer mon âme-sœur et Adelph Moka, avec qui j'ai grandi dans des lieux communs avant que nos vies soient un peu forcées de se couper. D'un tronc d'enfance et de famille commune, nous avons construit des rapports aux espaces vraiment spécifiques et des vies différentes qui se renouent peut-être davantage aujourd'hui dans de nouveaux espaces, de nouveaux cercles, autour de mêmes visions du monde et de luttes ensemble. Dans ce podcast, j'ai surtout souhaité que ce soit elle lui qui rende compte de son rapport au lieu. Une occasion pour moi de le rencontrer de nouveau sur ce terrain, d'essayer de le comprendre. Le ton de l'entretien est différent des autres échanges que j'ai pu enregistrer. C'est le nôtre, à Moka et à moi. Cet échange a un sens particulier au moment où vous l'entendrez. Nous nous préparions au déménagement de la maison parentale. Moka nous parle de ses projections, de ses imaginaires, ses piliers de construction, ses ressentis et d'une certaine forme de deuil. J'espère que ce témoignage pourra résonner avec certains de vos ressentis. Alors n'hésitez pas à m'écrire. Du coup, salut à toi. Est-ce que tu veux du coup t'introduire, te présenter? Moka. Je sais pas trop quoi dire pour me présenter. Pronom Yel, gender fluide. J'ai 20 ans. Du coup, là, j'avais envie de t'interviewer par rapport à nos rapports au lieu. Est-ce que tu aurais déjà quelque chose à dire là-dessus? Pourquoi est-ce que c'est un sujet qui te parle? Parce que c'est quelque chose qui a beaucoup été présent dans ma vie, mes attachements à des lieux, etc. Et que du coup, c'est quelque chose qui est très important pour moi et qui du coup est responsable de beaucoup de choses dans ma vie, je pense. Ça change beaucoup de choses dans ma vie. Ça a toujours été le cas? Ouais. Genre, c'est quoi du coup tes souvenirs par exemple qui seraient liés à des lieux ou qui auraient compté pour toi? Comment ça, des lieux? Quels sont les lieux qui ont compté pour moi? Ouais. Souvent c'était les maisons dans lesquelles j'habitais, c'est les endroits où je créais mon espace personnel, et c'était des endroits où je projetais énormément de choses. C'est-à-dire? Un endroit qui m'est qui est fort pour moi, c'est, sans forcément que ça soit dans le lieu où j'habite, c'est un endroit où j'y ai projeté énormément d'imaginaire dedans. Du coup, en fait, il est empreint de toute ma vision. En fait, genre, c'est pas un lieu que je vois de manière objective. C'est que quand je regarde un lieu, je vois absolument tout mon imaginaire dedans. Parce que je les projette. Du coup, bah, tous les lieux auxquels j'ai projeté, ça peut être une place dans un village, une forêt, un chemin, un simple chemin avec genre tel arbre ou tel arbre qui me font penser à tel paysage que j'aime, ou telle histoire, et que direct je vais y projeter quelque chose, et directement ça va créer genre un attachement. Mais du coup, ces projections, elles peuvent naître dans des lieux, enfin, comme ça, que tu rencontres au quotidien, ou elles sont vraiment liées d'abord à des souvenirs c'est, de base? C'est pas des lieux qui sont forcément reliés à des souvenirs. Mes projections, elles sont des fois reliées sans aucun souvenir. Et sinon, oui, c'est des lieux que je côtoie. C'est des lieux que je connais un peu de base. Enfin, en fait, j'y projette pas si c'est des lieux juste où j'y passe comme ça rapidement et que j'y retournerai jamais, ou que, ou c'est pas sur mon chemin, enfin, que je connais absolument pas. Là, dans ce cas-là, ça, je m'en foutrais. Mais sinon, mais c'est pas, les projections que je fais sont pas forcément reliées à des souvenirs. La plupart du temps, dans la plupart des lieux, ça va être quand même des souvenirs. Mais sinon, enfin, sur plein d'autres lieux, c'est pas mes souvenirs qui primaient, en fait. C'était comment je les avais perçus. Et t'arrives à voir qu'est-ce qui déclenche le fait que, hop, tu vas projeter sur tel lieu et sur d'autres pas du tout? Bah, si le lieu m'inspire. Mais tu sais pas ce qui t'inspire. Enfin, c'est de l'ordre vraiment du ressenti, ou il y a des choses qui reviennent? Non, c'est de l'ordre du ressenti. Genre, aucun des lieux sur lesquels tu te projettes a vraiment de ressemblance? Si, il y en a beaucoup qui ont des ressemblances, mais si on doit parler de critères en mode pourquoi ces lieux-là, techniquement, d'un point de vue extérieur, ils ont pas de ressemblance. Ou en tout cas, ils correspondent. Enfin, les critères sont pas visibles, tu vois. C'est vraiment des trucs que juste que moi j'ai dans ma tête et que. Bah, j'ai besoin de projeter énormément d'imaginaire pour créer le sentiment d'appartenance et de bien-être. Et du coup, bah, je vais trouver seul, enfin dans ma tête, ça va le faire assez rapidement, je vais trouver les trucs qui vont faire comme un déclic, tu vois, comme une petite ouverture d'une petite trappe qui fait pff, hop, c'est bon, hop, là, c'est bon, hop, là, là, j'ai projeté, nickel, c'est bon, ce lieu, il est beau. Et ça le fait, genre, automatiquement. Et ça t'est arrivé, enfin, que ces lieux-là, généralement, ça y reste, ou ça t'est arrivé d'arrêter de projeter sur des lieux ou qui est des événements négatifs ou quoi, qui du coup les renversent l'image que t'en avais, ou... Bah, ce genre de projection-là, comme c'est vraiment très propre à moi-même, généralement, il n'y a pas de truc négatif qui intervient, sauf si il y a, par exemple, un acteur extérieur qui arrive et qui va modifier le lieu. Si une personne, par exemple, imaginons, c'est un chemin, il y a des arbres autour, et il y a une personne qui va arriver qui va raser les arbres, tu vois. Elle a terminé, tu vois, genre mes projections, c'est fini. Et du coup, ce truc de sentiment de s'être senti bien parce que t'as mis un imaginaire dedans, et du coup, bah voilà, ça te correspond, et t'aimes bien aller là-bas, c'est terminé, tu vois. Sinon, après, il n'y a pas de truc en mode de souvenir, parce qu'en fait, je différencie les trucs qui sont propres à moi, que genre, il n'y a que moi qui connais ces lieux, ou qu'il n'y a que moi qui ai projeté sur ces lieux-là. Donc, c'est des lieux qui sont, genre, du coup, extrêmement chers pour moi, parce qu'en fait, c'est des lieux qui nourrissent mon... qui nourrissent, en fait, qui me... qui, en fait, c'est... ça devient des endroits qui vont devenir... des sources de bien-être, des sources de retrait, des sources de réflexion, des voilà, juste des petites bulles, en fait. C'est comme si je créais des petites bulles un peu partout. Et du coup, en fait, c'est ultra, genre, il y a que moi qui fais ça dans ces lieux-là. Du coup, il y a, je peux pas y mettre un mauvais souvenir. Après, il y a des lieux où je projette dedans parce que c'est un lieu qui m'est cher, parce que j'ai un souvenir d'un certain moment avec une personne, et Après, ça peut toujours devenir plus ou moins des mauvais souvenirs en fonction. Mais ça sera du coup parce que c'est pas forcément propre à moi. C'est parce que c'est des souvenirs où il y a des gens extérieurs qui interviennent dans ces souvenirs-là. Du coup, c'est pour ça que ça peut être modifiable. Mais si je suis toute seule, techniquement, si le lieu ne bouge pas, non. Et tu sais un peu ce que tu recherches. Alors du coup, on a dit, comme tu disais, il n'y avait pas forcément de ressemblance. Parfois, il y en avait entre les différents lieux, etc. Mais en termes de ce que ça te fait, d'émotions et de sensations, ces lieux-là où tu te sens bien, qu'est-ce qui te donne en fait? La sensation de planer, enfin de rêver. Et la sensation de comme si j'accomplissais quelque chose qui m'est cher dans un endroit. C'est-à-dire, t'as des exemples? C'est-à-dire que y a des lieux que j'ai peut-être rattachés à des endroits que je veux aller voir absolument, tu vois. À des endroits où l'imaginaire que je me fais autour de cet endroit-là, c'est un truc que j'ai très très envie de voir, très très envie d'y être de manière physique et concrète. Et en fait, quand je vais trouver des lieux qui, genre, moi, j'ai projeté dedans, parce que, selon certaines choses, ça va correspondre, en fait. Il y aura des ressemblances à ce que je veux, ou à ce que j'aspire. Du coup, il y aura cette sensation de rêver, et comme si, en fait, j'étais dans cet endroit-là. Alors que c'est pas celui-là, mais c'est un substitut, tu vois. Et du coup, c'est le sentiment de bien-être, de comme si j'y étais déjà, en fait. T'as des exemples concrets que tu peux partager? J'ai pas envie d'en parler, des exemples concrets. Ça marche. Ce serait quoi un chez-toi parfait? Étonnamment, un chez-moi parfait, ce serait pas un endroit forcément qui correspond aux endroits que j'ai envie de connaître. Un chez-moi parfait, ce serait un endroit avec de la nature, des paysages différents autour, que ce soit un peu de montagne s'il le faut, un peu de mer, un peu de forêt, et une grande maison bien aménagé pour vraiment genre avoir que des triggers positifs dans cette maison. Elle serait aménagée comment, par exemple? Il y aurait un atelier. Un super beau atelier. Et il y aurait, je sais pas, un grand espace de vie avec la possibilité qu'il y ait plein de gens qui puissent venir. Mais il y aurait aussi des espaces beaucoup plus petits, beaucoup plus serrés autour de moi. Ou comme ça, si j'ai envie d'être de m'isoler, je me sentirais vraiment bien. Et après, d'un point de vue déco, ça sera tout mon imaginaire qui sera sur les murs, en gros. Ça sera aménagé selon mes envies, etc. Et surtout, j'aimerais que cet espace puisse être mouvant, même si j'aime pas du tout les trucs qui bougent. Genre, j'installe ma chambre dans une certaine configuration. Cette configuration ne changera jamais. Voilà, faut le savoir, je n'aime pas ça. Je ne suis pas capable de faire bouger les trucs. Mais du coup, là, dans l'idéal, ce serait que, en fait, je n'ai pas à faire bouger des trucs, parce que faire bouger des trucs, c'est renoncer à ce que c'était avant. Et j'ai pas envie de renoncer à ce qu'il y avait avant. Et du coup, ce serait la possibilité, bon, ça n'existe pas, mais ce serait la possibilité de pouvoir bouger les trucs en fonction de mes humeurs, en fonction de mes envies, en fonction de ce dont je veux autour de moi, mais sans renoncer aux choses qui étaient avant. C'est-à-dire que si je veux revenir en avant, en un claquement de doigts, c'est bon. Enfin, il y a vraiment une grosse possibilité de mouvance, et en fait, Je pense que ça, je peux l'avoir qu'en rassemblant plein de choses ensemble qui correspondent à une projection. Et du coup, par exemple, si je veux me projeter dans une sorte de chose, j'aurai genre le canapé qui représentera ça, et du coup je serai dedans, et là du coup c'est bon, je serai dans ma projection, je serai bien. Et là je suis en mode, ah non, je suis plus dans ce mood là, du coup j'aurai ça qui m'apporte ce mood là, du coup j'irai là-bas. Genre, une possibilité d'avoir plein de trucs comme ça et de pouvoir bouger, que ça s'adapte à mes humeurs sans renoncer à ce qu'il y avait avant. Mais du coup c'est ce besoin de changement, donc il a l'air d'être, enfin ça, il pourrait être là que s'il peut être instantané, du coup, enfin que ça puisse revenir. Parce que est-ce que c'est entre guillemets par je sais pas, flemme, ou de bouger vraiment les trucs et de le faire, parce qu'en soi tu pourrais aussi je sais pas, si tu veux bouger ton lit un moment, tu peux le remettre 2 secondes après, enfin ça revient comme ça. C'est juste, c'est quoi qui est-ce que tu sais ce qui t'effraie, genre dans le fait de ne pas pouvoir le faire à un instantané et sans baguette magique? Je sais pas. Peut-être que le temps qui se passe dans le temps de la transition, c'est un temps pour moi qui est insupportable à vivre. Parce que c'est un temps où je sais pas comment ça va se finir. Donc c'est pas cool. Je suis pas bien. Et si je sais pas comment ça va se finir, je n'arrive pas à me dire que ça va bien se passer. Ouais. Et c'est pas forcément une volonté de tout contrôler. C'est vraiment un... Parce que... Enfin, je sais pas, c'est pas genre... C'est pas être maniaque, tu vois. Non. C'est pas être en mode je dois tout contrôler pour que tout se passe bien, parce qu'il faut surtout pas que ça se passe mal. C'est pas forcément ça, c'est juste que vraiment le temps de la transition, le moment où les choses se mettent à bouger, il est insupportable pour moi, parce qu'en fait c'est trop long. Et en fait c'est genre un temps où là j'ai pas mes repères. Et en attendant de trouver mes nouveaux repères, donc à la fin de la transition, bah ce temps là où je les ai pas, il est insupportable en fait. Et c'est pour ça que j'aime pas changer, parce que en soi, par exemple dans mon appartement, on avait une configuration dans le salon qui était chouette. Puis à un moment donné, ma coloc, elle aime bien changer les trucs. Et genre, je sais pas, elle a dû changer 4 fois de configuration dans sa chambre. Je l'ai juste changé 0 fois en 2 ans. Elle, en 2 ans, elle a changé 4 fois. Voilà. Et c'est très bien, ça sent super bien. C'est un signe de renouveau pour elle et c'est cool, tu vois. Moi, je sais pas, parce que déjà, je suis pas sûre de ce que ça va donner à la fin, donc je suis en mode, ouais, putain, mais parce que après, ça voudrait dire, ah non, mais c'est pas possible. Non, je vais rester là, parce que là, je suis bien, donc on va rester comme ça. Et en gros, on a changé la configuration du salon sur son coup de tête à elle, et je me suis dit que ça pouvait être un bon exercice pour moi d'essayer d'arrêter d'avoir peur de ça, et du coup, de changer les choses. Donc je l'ai aidé à changer les choses, mais j'étais pas bien. Et en fait, en soi, ça a duré une après-midi. Mais j'étais pas bien. Bon, après, à la fin, le fait qu'on ait changé un truc, ça m'a permis d'avoir une nouvelle bouffée d'inspiration et de projeter des nouvelles choses que je n'avais pas pu projeter avant dans l'appartement, en mode, ah, mais du coup, vu qu'on a changé ce coin-là, on peut en faire un truc comme ça et tout, ce serait super stylé, machin et tout. Donc là, j'ai été en mode, wouh, trop bien, en fait, c'est cool d'avoir changé ça. Mais le moment où ça a changé, c'était vraiment, mais putain de merde, mais qu'est-ce qui se passe? Donc ça peut être sur un temps aussi court que ça, quoi. Comme un temps beaucoup plus long, comme la vente d'une maison ou un gros déménagement, où là, pour le coup, ça prend pas une après-midi, forcément, ça dépend. Mais du coup, là, c'est très long, trop long. Et c'est super angoissant, en fait. Ouais, c'est ça, c'est de l'angoisse, c'est de l'incertitude. Mais du coup, c'est un peu partir aussi du... Enfin, l'incertitude liée à l'idée où... Parce qu'il y a des gens qui sont dans l'incertitude, mais qui peuvent aimer ça, je pense, l'incertitude, parce qu'il y a cette attente de... En fait, ça pourrait être encore mieux ou encore différent, et que après il y a les incertitudes vraiment négatives, où on se dit que... Enfin, j'ai pas envie de faire de la psychanalyse de comptoir, mais genre, où on se dit que si jamais c'était pas OK, qu'est-ce qu'on aurait fait, même si on peut le remettre dans l'autre sens, en fait. Bon, ça dépend des fois, mais... Ouais, je capte. Et est-ce que, du coup, c'est un truc qui est vraiment propre, je veux dire, à la configuration des lieux, ou c'est quelque chose qui est dans ta vie, enfin, du coup, ça reflète ta manière d'être et de réagir dans la vie, de manière générale ou c'est vraiment spécifique à la configuration spatiale, on va dire? Bah, je pense qu'il y a un peu aussi du comment je me comporte dans la vie. Je pense qu'il y a beaucoup de choses où déjà j'ai une espèce d'énorme mal à prendre des décisions. Je ne sais pas prendre des décisions. Faire un choix quand on me propose deux choses, je ne sais pas, je panique. Et c'est vraiment genre, dès que je ne sais pas, ou qu'il y a un inconnu, parce qu'il y a deux choix, que techniquement je projette des trucs en mode ça va, je connais, mais il faut que je choisisse. Donc en fait, il y a quand même un inconnu, puisqu'il faut que je choisisse. Bon, bref. Et ce truc-là, ça me fait flipper. Et en fait, ça me paralyse. Et en fait, ça me paralyse mentalement. Mais ça me paralyse surtout physiquement. Genre, réellement, dans la vraie vie, j'ai déjà été paralysée parce que je savais pas comment faire un choix. J'ai un exemple tout bête. J'étais à la Victoire. On m'a proposé deux choses. Soit aller à une soirée avec plein d'amis à moi, qui était super cool. Soit retourner à mon appart où il y avait ma coloc et son mec. Et genre, ma coloc et son mec étaient en mode « Mais viens, ça va être cool et tout, t'inquiète et tout, tranquille et tout. » Et les gens à la soirée étaient en mode « Mais viens, ça va être trop cool !» Et moi, je l'ai passé 20 minutes, mais même peut-être plus, parce que j'ai eu le temps de voir la nuit tomber, en fait. sous la pluie, en plein milieu de la place de la Victoire, immobilisée, à réfléchir. Pour ensuite prendre la décision d'aller au plus près, donc à la soirée où il y avait des potes, tu vois. Mais j'ai eu un bug, un énorme bug, et j'étais pas bien. J'avais envie de pleurer, ça m'effrayait, j'étais paralysée. Genre, j'étais vraiment au milieu de la place de la Victoire, sous la pluie battante, et debout, immobile, à regarder le vide, et à être en mode, qu'est-ce que je fais? Cette question qui tournait en boucle dans ma tête, pour un truc aussi bidon d'une soirée. Mais je ne savais pas, parce qu'en fait, tout me paraissait important et j'ai toujours eu peur de rater les choses. Et c'est ce truc de pas avoir la possibilité de revenir en arrière si jamais ça passe pas. C'est ça, c'est ce changement qui fait que ben c'est un changement. Et en fait, la finalité, peut-être qu'elle est bien, peut-être qu'elle est pas bien, en soi, ok. Mais c'est le truc de... Ben, une fois que tu es dans cette finalité-là, ben c'est bon, tu avances. Il n'y a pas ce truc de cette finalité-là, ah non, je suis pas chaud en fait, finalement, je vais retourner à la config d'avant, c'était mieux. Bah, c'est pas possible. Et en fait, ça, bah, du coup, dans ma vie de tous les jours, c'est super angoissant, cette possibilité de rater des choses et de pas pouvoir revenir en arrière si jamais ça se passe pas. On peut pas revenir en arrière. C'est pas facile de choisir. Nemo ! Il faut faire le bon choix. Non ! Tant qu'on ne choisit pas, tout reste possible. Pas comme dans les jeux vidéo, comme ça me fait penser à l'épisode de Black Mirror. Tu l'avais vu, cet épisode de Bandersnatch, je sais pas quoi, où genre justement t'as les différentes options et après sinon tu retombes à la fin, tu reviens en arrière et tout. Mais c'est même pas, tu vois, c'est même pas forcément retourner en arrière en se disant avec beaucoup de regrets en mode oh si j'avais su, j'aimerais bien retourner en arrière pour prendre une autre décision. Non, c'est vraiment genre un retour en arrière pour comme retrouver le confort d'avant. Parce que le nouveau est flippant, parce qu'il faut reconstruire des choses et que ça prend trop de temps, de l'énergie, et que en fait tu te sens pas capable, t'as pas la force de faire ça, de cette reconstruction là, et du coup bah t'as juste envie c'est de revenir en avant, en arrière, dans l'endroit où l'aspect, l'état psychologique ou quoi, où tu te sentais bien en fait, où t'étais à l'aise et t'avais pas besoin de dépenser toute cette énergie là dans suivre la vacuité des choses en fait. C'est même pas forcément en mode « j'aurais pris une meilleure décision », tu vois. C'est juste... c'est pas agréable, en fait, d'être dans ce truc de reconstruction tout le temps. Et du coup, c'est bien d'avoir... Voilà. C'est bien d'avoir la possibilité de rester dans ces trucs où t'es à l'aise. Mais du coup, ça peut créer une sorte de bulle de non-changement, ce qui va totalement à l'encontre du monde en général avec un grand M en fait, c'est qui bouge tout le temps, tout est en mouvance tout le temps et toi en fait t'as juste l'impression d'essayer de te mettre dans une bulle qui ne change pas et c'est vraiment ça je pense et du coup c'est aussi très propre au lieu parce que les lieux bougent en même temps que les gens et en fait toutes ces choses là bah du coup ça m'angoisse, la vacuité des choses en fait c'est... Je pense depuis toujours, c'est des trucs qui me font beaucoup de mal. C'est quoi que tu appelles la vacuité des choses? C'est le fait de bouger, qu'il y a un début, une fin, et que ça tourne. Puis parce que la vacuité, ça veut dire vide. Non, la vacuité, c'est le mouvement, je pense. Enfin, moi, je le vois comme ça. Après, je sais pas si c'est vraiment le terme, mais moi, je l'emploie comme ça, en termes de mouvance. Je sais même pas. La vacuité, c'est le vide de sens. Mais après, les mots, ils reflètent aussi ce qu'on a envie de... ce qu'on ressent. Enfin, c'est pas grave, tu peux l'utiliser. Si il veut dire ça pour toi, ok. C'est juste pour le recontextualiser pour les auditoristes. Mais c'est marrant parce qu'à la fois, dans le besoin de stabilité, je me reconnais, tu vois. Et à la fois, en fait, je pense que j'ai pris le truc de survie de totalement l'inverse. Qui est qu'en fait, à l'inverse, genre, en fait, je suis un peu comme... c'est quoi les... C'est les Bernard Lermite? Non, je sais plus. Les animaux qui prennent une maison et qui la lâchent et qui comprennent une autre. En fait, dès que j'arrive dans un endroit et que je me sens pas totalement bien, bah, à l'inverse, en fait, genre, moi, je fais l'inverse, je veux changer tout le temps, mais sans même justement me dire que, genre, en fait, je me lance tout le temps dans l'inconnu en espérant, enfin, à m'épuiser dès qu'il y a le moindre truc qui va pas, pour faire peau neuve, en fait, en espérant que ça va aller mieux, mais du coup, par plein de fois, je me suis retrouvée dans des endroits claqués au sol, parce que, genre, juste, j'avais pas réfléchi deux secondes, et genre, juste, j'étais dans cette espèce de vite partir pour trouver autre chose, et qu'en fait, c'était pas mieux. Alors qu'en fait, j'avais peut-être persévéré. Après, je sais pas, est-ce que tu dirais que t'as persévéré aussi dans des endroits où tu te sentais pas bien, ou juste par peur de l'inconnu, ou quand, si jamais tu te sens pas bien, tu préfères quand même aller vers l'inconnu? Non, généralement, c'est un endroit où s'il y a un endroit où je me sens pas bien, je persévère pas. Je suis une seule envie, c'est de me barrer. Et pourtant, le seul boîtier est resté. Je pense que... je me sentais pas bien, mais à un côté, si, j'étais à l'aise au Subway. C'est pour ça que je suis pas partie si rapidement. Parce que, en fait, le travail, je savais le faire. Donc, j'avais pas cette contrainte-là. Je connaissais les bails. Donc, voilà, j'étais payée. Donc, en fait, ça m'a apporté un confort. Ok, c'était chiant. Il y a eu plein de moments où je voulais me barrer. Mais je le faisais pas parce qu'il y avait aussi ces trucs-là qui est contrecarré. Mais je pense que c'est quand même un truc de... Je pense que c'est juste un truc de parce que genre, ça m'apportait un confort financier et que j'avais la flemme de trouver autre chose. Donc je faisais abstraction. Tu peux faire abstraction sur des trucs. Mais globalement, si y a un truc qui me plaît pas, j'y reste pas trop. Genre... Mais des fois, ça peut être très très rattaché à des lieux, juste un lieu que je le sens pas, quoi. Genre, ça peut être un appartement d'un ou d'une pote. Et si cet appartement, je le trouve pas ouf, j'aime pas, genre l'ambiance qui en ressort me plaît pas, bah, pas très envie d'y retourner. Et souvent, j'y reste pas longtemps et j'invente une vieille excuse et je me casse. Et souvent, c'est des trucs comme ça. Ouais, et... ou même des lieux très larges, genre des zones urbaines. Il y a des zones urbaines, je peux pas, genre impossible pour moi. Et du coup, c'est vraiment très compliqué de devoir les traverser ou quoi, genre. Est-ce que des trucs plus resserrés, plus cosy, enfin, plus... Non, c'est pas une question d'espace, c'est une question d'ambiance, de trucs qui, d'atmosphère, de trucs que je perçois dedans qui me plaît pas du tout. Et du coup, ça peut être des trucs très larges, ça peut être des trucs très restreints, des petits apparts, des grands trucs, enfin voilà. Et c'est quoi l'ambiance qui... T'arrives à savoir un peu ce qui te déplaît ou freine? Je pense que c'est des ambiances qui sont liées à des souvenirs qui sont pas forcément des bons souvenirs. Je sais pas, j'ai un problème avec les grosses zones, genre la grosse zone commerciale. Pas le centre commercial, les zones commerciales. Les grosses zones urbaines, là, où c'est que des grands magasins, genre t'as le Roi Merlin, Cultura, les trucs comme ça, tu vois. Ces trucs-là, c'est d'une angoisse, mais profonde pour moi. Parce que je pense que, aussi, c'est rattaché à des souvenirs archi pas cool. D'après-midi, nul à chier, d'ennui pour moi total, où je devais accompagner des gens et que je me retrouvais dans ces zones-là, et que j'étais juste en mode, mais c'est un tue-vie. Ça tue la vie, ces zones-là. Ikea. La j'adore Ikea, mais moi c'est une angoisse profonde Ikea. Ce n'est absolument pas un bon souvenir Ikea. Il y a des gens qui adorent ça, qui pourraient faire. Après, ça pourrait devenir un bon souvenir si, genre, on proposait un vrai cache-cache géant, des trucs comme ça. Un vrai jeu. Ouais. Et d'ailleurs, en parlant d'Ikea, c'est rigolo parce que tu vois, c'est quand j'ai dans des magasins comme ça que je projette mes 10 000 trucs à la seconde. Mais mes projections, elles vont trop loin dans les trucs comme ça. Genre, c'est dangereux. Genre, vraiment, mes projections mentales sont ultra puissantes dans les studios comme ça. Parce que t'as plein de configurations d'espace. T'as plein de configurations de cuisine, t'as plein de configurations de salon, t'as plein de configurations de chambre, t'as des trucs super stylés, t'as des trucs beaucoup moins stylés, t'as des trucs qui apportent des ambiances tel machin. Et en fait, du coup, mes projections, mais elles vont à 10 000. Et en fait, du coup, c'est comme si genre, le temps d'une heure où je marche dans le magasin et je traverse juste ce magasin, j'ai eu le temps de créer 100 repères. Genre, c'est affreux. Mais des repères pas positifs du coup. Non, des repères positifs, des projections en mode. Comme pour te raccrocher à des trucs. Ouais, enfin des projections comme les mini bulles en fait. Mmh. Et genre, je vais voir une configuration, pas une projection. Une autre configuration qui me plaît un peu, pas une projection. 10 000 projections, après je quitte le magasin, c'est oublié, tu vois. Et en fait, le fait de projeter, ça te fait pas quand même sentir mieux dans le lieu du coup? Bah si, ça me fait sentir mieux, mais en fait, c'est. C'est pas positif ou négatif ce que je suis en train de dire. C'est juste bizarre. Enfin, bizarre. Non, c'est pas le bon terme. Mais c'est pas une question de... ça, c'est des projections positives, c'est des projections négatives. C'est juste que genre... c'est juste que ça me surstimule, en fait. Et c'est comme si je vivais genre 30 vies en le temps d'une traversée du magasin, tu vois. C'est qu'à dire que là, j'ai vu une telle truc, j'ai projeté dedans... Mon imaginaire, il est en train de vivre dedans. Mmh. Moi, je veux continuer mal le truc, mais mon imaginaire vit dedans, en fait. C'est le truc, pareil. Et en fait, c'est comme si bah, je me les étais réappropriées, que je m'étais inventé des choses. Enfin, genre, mon imaginaire, on a créé des choses dans sa tête, a repris tous ces codes-là, tous les codes visuels qu'il a vus, et il a créé un nouveau truc. Et après, je sors. Bon, après, je suis on fire. Hein. J'ai un imaginaire qui pète le feu, tu vois. Mais c'est ça, c'est je vis 30 vies. Donc, voilà. C'est vraiment genre. J'ai vraiment un truc avec les lieux, les espaces qui sont. Enfin, c'est d'une importance folle. Genre, je pense qu'en fait, c'est extrêmement central dans ma vie, les espaces. Même une ville. Toulouse-Centre, quand j'étais petite, je projetais pas du tout de choses dans Toulouse. J'avais trop du mal. Et je pense aussi parce qu'on n'y a pas trop laissé le temps d'y accorder, d'y approcher des trucs parce que j'y allais pas énormément, etc. J'étais petite, nanana. Ce qui fait que Toulouse a toujours été une ville qui m'a été très chère dans mon cœur, mais pas très chère dans ma tête. Et quand je suis arrivée à Bordeaux, j'ai projeté énormément sur les rues. Genre, énormément. Et du coup, quand on me disait « tu préfères Toulouse ou Bordeaux ?», en termes de cœur, c'était littéralement Toulouse. Quand on parle de la ville, hein, on parle pas de l'endroit où j'habitais à côté de Toulouse. Mmh. Parce que là, forcément, je préférais cet endroit-là, c'était sûr et certain. Mais en termes de ville, genre, c'est clair que Toulouse était dans le cœur, mais je me sentais plus à l'aise à Bordeaux parce que j'avais projeté énormément. Et du coup, en fait, c'est une ville que j'ai connue, et, enfin, connue les rues, etc., super rapidement, et que je me suis appropriée ultra rapidement, ce qui fait que je n'ai, genre, jamais ressenti de peur pour marcher dans Bordeaux. Genre, jamais. Genre, c'était un truc, genre, je connais tout. Dès que la ville change, c'est un truc, un changement qui m'a bien plu, bam, je reprojette à balle pour bien kiffer cet endroit, enfin... Genre, ça peut aller à l'espace, sur l'espace d'une ville entière, quoi. Et du coup, parce qu'on n'a pas précisé, tu t'es présenté, mais du coup, t'es artiste aussi, et est-ce que du coup, ça influe, enfin, du coup, c'est forcément toutes tes stimulations, finalement, est-ce que c'est des choses que t'as l'impression de vraiment aller puiser dans tes créations artistiques, que tu remobilises, ou juste ça reste dans ta tête et ça, dans ton imagination ? ça reste essentiellement dans ma tête, je pense. Je pense que après dans ce que je produis, etc., ce que j'essaie de travailler, j'essaie de travailler des choses différentes, d'autres choses en fait, que ça. Mais je travaille pas trop les espaces. C'est pas... Peut-être aussi parce que quand j'étudiais et qu'il y avait des personnes qui travaillaient, qui faisaient des productions artistiques, etc., sur des espaces, etc., c'était toujours mêlé de, d'une sorte d'étude du territoire avec toujours un truc, de la gentrification de ce quartier. Nous allons, je vais vous présenter ma nouvelle œuvre. Voilà, ça parle de la gentrification de... M'en fous, j'en ai rien à foutre. Moi, ce quartier, je le vois pas comme tel. Moi, ce quartier, je le vois d'une toute autre manière. Et du coup, genre, j'en ai rien à faire de l'étude de ce territoire-là. Ça peut être paraître horrible, hein. Désolée pour les gens qui aiment bien faire les études de territoire. Mais moi, je m'en fous. Parce que le territoire, je le vois. Oui, c'est une autre sensibilité. Une autre sensibilité, quoi, totale. C'est pour ça que je travaille pas trop autour. Mais je pense que ça, c'est d'un aspect très concret d'un espace, un territoire. Après, t'as le territoire psychique, etc., tout ça. Enfin, t'as plein d'autres territoires qui se créent. Et en fait, je me suis jamais posé la question, je t'avoue. Je me suis jamais posé la question, très certainement. Peut-être qu'on re-regarderait le travail que je fais, peut-être qu'on serait en mode... Ah oui, bah oui, du coup, bah, ça me paraît logique qu'il y ait ça, quoi. Mais je fais pas dans cette optique. Mmh. C'est pas une volonté, en tout cas. Je capte. De faire transparaître ça. Et après, du coup, enfin... Donc, ces lieux, ils sont importants. T'as surtout parlé des projections que toi, t'y mets. Est-ce qu'on pourrait parler, à côté de ça, d'une relation particulière avec les lieux, comme... Est-ce que c'est vraiment que des espaces que toi, t'investis par ton imagination, ou est-ce que c'est des choses qui... comme des sortes d'entités, est-ce que tu leur accordes en gros une sorte de vie ou quelque chose ou une sorte de personnalité particulière, ou vraiment c'est que en gros des toiles sur lesquelles tu projettes ton imagination comme peinture, quoi. Est-ce qu'ils sont que réceptacles de ce que toi tu projettes, ou est-ce qu'ils interagissent avec toi et ils représentent quelque chose? Bah, ils représentent des choses forcément et ils interagissent. Mais ils ont pas, j'ai pas forcément l'impression qu'ils ont vraiment une vie indépendamment de moi. Et je pense que c'est ce truc-là surtout, le fait qu'ils ont pas forcément une vie indépendamment de moi, puisque c'est mes projections qui les font vivre pour moi, qui fait que m'en séparer, c'est très dur. Parce que c'est enlever la projection que j'ai mis dedans. En fait, ils sont pas indépendants, donc je peux pas m'en détacher, en fait. Ouais, et pourtant, tu disais que, par exemple, quand tu traversais l'IKEA et tout, genre, tu projetais plein de trucs, et après, ces trucs continuent à vivre. Donc, t'as pas forcément besoin d'être présent pour que ces trucs continuent à vivre dans ta tête. Bah, si. Ok. Parce qu'une fois que je sors d'IKEA... Ça n'existe plus. Non. Et ça te manque, du coup ? Ça n'existe plus ? Enfin, pas IKEA, mais qui... genre... non, de manquer. Non, c'est pas que ça me manque. Enfin, ça dépend. Ça dépend de... Ça dépend si les choses m'ont procuré... Quelles... En fait, il y a aussi un bail d'émotions, de sentiments, tu vois, qui en ressort. Et ça dépend si c'est fort ou pas, et si ça m'a procuré des émotions, des sentiments. Et... Enfin, c'est très abstrait. Je sais pas, je pourrais pas dire. Mais en tout cas, j'en sais rien. Je sais pas. Là, j'ai un peu l'impression de faire mon auto-psychanalyse. Donc, du coup, c'est pour ça que je suis vraiment dans le truc. Je sais pas. Non, mais c'était juste une question, parce que moi, je sais que c'est comme ça que je le vois. Tu vois, du coup, je confronte juste un ressenti. Enfin, pour moi, les lieux, les villes et tout, elles sont comme elles sont vivantes. Tu vois, c'est des personnages de part entière qui ont des personnalités, qui ont des choses comme ça. Et du coup, je me demandais genre dans quelle mesure ça pouvait se recouper ou pas avec ce que tu dis. Mais du coup, c'est deux choses différentes. C'est intéressant. Mais par exemple, bon, là, en fait, on est aussi dans un contexte particulier, du coup, de déménagement qui arrive et qui va être quelque chose de très compliqué pour nous deux et surtout pour toi. Mais du coup, est-ce que tu penses que une fois que y aura eu d'autres lieux qu'on aura investi et que ça, ce sera derrière. Est-ce que tu penses que ça va se réparer, que ça ira mieux à un moment, et que du coup, vu que tu vas continuer à projeter sur d'autres lieux, ou pour toi, ce que tu perds comme tu perds un lieu, enfin quand tu quittes un lieu, c'est pour toujours une douleur, quoi. Ouais, c'est une perte. Une perte pour toujours, enfin je vis comme ça. C'est une projection, enfin c'est un truc qui ne reviendra pas. Ça paraît logique, mais du coup, c'est vraiment une perte. C'est une vraie perte. Je pense que ça, c'est pour tout le monde, quoi. Et du coup, le truc, c'est que seule chose auquel je me rattache, c'est ces fameuses projections-là, genre espérer pouvoir en faire. Et du coup, il faut que le lieu soit propice à ça. Soit un lieu où je puisse projeter, parce que je peux pas projeter partout, en fait. Et du coup... mais en fait, ça me paraît logique et ça, c'est paraît normal pour tout le monde, en fait. Donc, ouais, forcément, c'est une perte. Et forcément, en fait, le seul truc, c'est être capable de projeter ou pas. Après, il y a des lieux qui ont plus d'importance que d'autres. Il y a des lieux qui sont, genre, vraiment, genre... extrêmement forts. En termes de... Enfin, il y a des lieux, c'est pas juste en mode « Ah, oh, je me sens bien », c'est... littéralement un repère, c'est un pilier. Il y a des lieux, c'est des littéralement des gros piliers en fait, et des gros repères, c'est comme des ancrages dans un endroit, et souvent ça se fait quand je me sens pas bien, etc. Je vais construire un énorme ancrage, mais je vais pas construire un ancrage en moi, un truc où du coup cet ancrage là il est bien, il est là et je peux le déplacer. Non, c'est souvent un ancrage super mal foutu, quoi. Donc c'est un ancrage dans un lieu ou un ancrage en une personne, donc en fait c'est des trucs qui peuvent dans des barrer. Personnes aussi. Oui, je projette énormément sur les gens, enfin en tout cas genre il y a des moments où je peux avoir des personnes en tant que pilier, et si cette personne se barre, ce pilier se barre, il n'y a plus rien et je me casse la gueule. Et si le lieu qui est mon pilier, mon ancrage, mon repère, voilà, tout qui représente tout ça, en fait, disparaît, je me casse littéralement la gueule et j'ai plus rien, en fait. C'est comme ça, réellement, que je le perçois, et en tout cas, que je le vis, vraiment. Et c'est assez compliqué, parce que c'est essayer de se dire que rien n'est acquis et que en fait forcément c'est en fait les choses qui sont pas éternelles, alors que en vrai il y a certaines choses que j'aimerais bien que ça bouge pas jusqu'à que moi je me casse. Et c'est ça, je pense, c'est peut-être le fait aussi de pas être responsable de la mouvance de mes piliers. Genre c'est pas moi qui déplace mes piliers, c'est des choses extérieures qui viennent les péter en deux. Et peu importe ces trucs extérieurs, que ça soit une personne ou par exemple un ouragan ou n'importe aucun, ou que genre le truc pourrisse et s'effondre par exemple, genre tu vivras avec la même violence. Ok. Et ces piliers, c'est essentiellement des lieux de vie, ou des lieux en tout cas de vie de personnes proches, ou vraiment tu peux avoir aussi des piliers comme tu sais dans l'espace public, la ville et tout. Non, c'est des lieux où je vis, c'est des lieux que j'investis énormément, c'est des lieux de vie. Et est-ce que tu y trouves une forme de spiritualité ou de rite dans ces lieux, ou ça n'a rien à voir pour toi? Bah forcément, ouais, j'ai des rites un peu dans ces lieux-là. J'ai des rites parce que en fait, c'est pas des rites, c'est juste que j'ai des comportements qui sont propres aussi à ce que j'y ai projeté dedans, à l'imaginaire que j'y ai dedans. Et en fait, c'est comme si, par exemple, dans un lieu, il y a mes souvenirs, mes projections de... À partir du moment où j'ai investi ce lieu, j'ai commencé à y projeter des choses. Et ces projections-là vont rester tout le temps que le lieu reste. Et du coup, ça me permet de pouvoir... me reblottir sur ces vieilles projections qui sont plus d'actualité parce que j'ai évolué entre temps, mais elles sont toujours là, mes souvenirs, mon imaginaire d'enfant, quoi, c'est toujours là. Et du coup, ça me permet juste de m'y blottir, en fait, et de me dire, bah, c'est là, en fait. Et si le lieu disparaît, ça veut dire que ces souvenirs d'enfants-là disparaissent. C'est un peu, tu vois, ce truc typique de l'image de quelqu'un qui rentre dans sa maison d'enfance et il se revoit courir. Mmh. Tu sais, comme un espèce de fantôme qui le traverse, et puis là, c'est lui qui court, en fait, derrière son ballon avec son chien, tu vois, dans son jardin. Et puis, il est en mode, ah, il a retrouvé ça, en fait. Et que, en gros, bah, ce truc qu'il voit, là, ce gosse, qui est en fait lui, mais ce gosse qui court, si ce lieu, il disparaît, il le verra plus, ce gosse qui court. C'est pas forcément un truc, littéralement, tu le vois, cet enfant-là. C'est le sentiment, en fait, du fait que le souvenir, il vit, en fait, encore. Et que du coup, tu perçois ce souvenir. Et t'es content de le retrouver, ce souvenir. Ou pas. Ça dépend. Mais souvent, t'es content de retrouver ces souvenirs-là. Parce que t'essaies de projeter des choses positives. Sinon, tu ne te sentirais pas bien. Et c'est ce truc qui s'enlève, en fait. Mmh. C'est en fait le truc de... C'est pas forcément genre je dis adieu au lieu. Parce qu'en soi, le lieu... Peut-être que si on garde juste son squelette, il est pas ouf. Tu t'en fous, en fait, du squelette, du lieu. Non, c'est ce que t'as... C'est ce qu'il y a à l'intérieur, en fait. C'est ce que toi, t'y as mis dedans, en fait, qui est important. Et c'est dire adieu à ça. C'est le fait que, en fait, ces trucs-là ne se reproduiront plus. Tu ne les verras plus, en fait. C'est en gros ça. Enfin, c'est comme ça que je le vois. Donc, dans la maison... parentale, j'ai, je pense, à chaque recoin de la maison, des trucs, mais super forts, en fait, de moments qui correspondaient à moi qui échappe de la réalité et qui, du coup, a retransformé en intégralité le lieu. C'est-à-dire que, dans ma tête, la maison ne ressemble pas du tout à ce qu'elle est, mais absolument pas. Et puis, en plus... Dans cette maison-là, il y a, mais genre, 3 autres maisons différentes, des mondes parallèles et tout. Enfin, c'est un truc de dingue, en fait. Et c'est super parce que tout s'est empilé. Projection sur projection, ça s'est empilé au fil des années, au fil des jours, au fil des secondes. Et c'est ce truc-là, c'est que, en fait, ça témoigne aussi du fait que j'évoluais dans des endroits, mais j'évoluais pas dans l'endroit, j'évoluais dans mes mondes parallèles qui s'installaient quelque part, en fait. J'installais mes mondes parallèles et je vivais dans ces mondes-là parce que je détestais la réalité. Je ne vivais pas du tout dans la réalité parce que la réalité m'angoissait, m'ennuyait affreusement et me frustrait d'une force incroyable. Du coup, bah, je préférais... Bah, vas-y, je m'en foutais, quoi. Et du coup, je ne vivais réellement que dans ma tête. Et en tout cas, j'y faisais plein de trucs et c'était infini. Et c'est en fait, du coup... ce principe-là de dire au revoir à tous ces trucs que j'ai construits, quoi. Ouais. Et du coup, tu parles d'empilement, mais il y a vraiment des projections peau neuve, enfin, nouvelles vraiment à chaque fois où t'as l'impression que ça puise toujours sa source, genre en gros. Qui est un peu genre des projections, on va dire, premières de tes plus tendres enfances, et que après toutes les projections, en fait, c'est un peu comme un arbre avec toutes les ramifications, en fait. Ouais, c'est ça. Ouais, il ouais, y a le truc, il y a les trucs premiers, ensuite. Et du coup, c'est pour ça que c'est vraiment un ancrage, en fait. Hmm. C'est que dans un lieu, il y a réellement un arbre avec ses putains de racines et ses feuilles, et le truc, il a poussé, il est mastodonte, en fait. Hmm. Et ce truc. Bah moi, je vis dedans. Je vis littéralement dans cet arbre-là qui s'est créé. Et c'est ça ce qui est très douloureux, en fait. C'est que se dire que parce qu'un lieu disparaît, cet arbre, il s'écroule. Et ça devrait pas, techniquement. En fait, ce qui serait génial, c'est que cet arbre-là, il soit à l'intérieur de toi et qu'il puisse te suivre partout, en fait. Et que tu puisses l'installer. Sauf que, bah... Je ne l'ai pas fait, je ne l'ai jamais fait. Et j'ai toujours genre foutu un gros arbre. Et je pense qu'il y a aussi ce truc de... du coup, de là où j'en suis, parce que maintenant j'ai 20 ans. Du coup, là, je suis sur une espèce de nouvelle crise existentielle, la crise des 20 ans. un renouveau. Non, mais c'est vrai, on la néglige de ouf. Mais t'as T'as des crises. J'arrive à 25 heures, t'inquiète, je pense que je dis. Et du coup, bah, c'est ce truc de renouveau là. Là, il y a cette période de renouveau là qui se passe. Et dans cette période de renouveau, on me laisse pas le temps de bien renouveler les trucs. Et on fait, bon, bah, du coup, cet arbre, on va le scier. Ah, t'avais pas donné ton accord? Bon, tant pis, c'est la vie. Hop là, on le scie. On va, bah, je sais pas ce qu'on va faire parce qu'on sait pas quoi en faire parce qu'on n'est pas les maîtres de cet arbre là. C'est toi, voilà, tu sais pas quoi en faire? Tant pis. Du coup, on va là-bas. Et que moi, je suis en mode, ben oui, mais en fait, vous aviez scié ces arbres, mais ok, je peux transporter le haut. Mais les racines, elles sont là. Vous les avez pas enlevées. Et du coup, en fait, j'ai 20 ans. Mes projections vont être différentes. Et est-ce que je suis capable de dire au revoir aux racines, en fait? Parce que les nouveaux lieux qui vont arriver dans ma vie... jamais ils auront la puissance qu'ont eu les autres. Parce que les autres, ils ont eu, en fait, mon avancée en tant qu'enfant, adolescent, adulte. Ils ont eu toute cette avancée-là. Mais ils ont eu tout ce développement-là. Et en fait, bah, c'est ça. Bah, les racines, elles vont rester là où elles étaient. Et moi, je vais me trimballer les feuilles, en fait. Et c'est ça ce qui a fait mal. C'est de se dire... comment je vais faire pour... qu'est-ce que j'en fais de ces racines, en fait? Où est-ce que je les mets, quoi? Techniquement, je devrais les prendre avec moi, mais c'est super compliqué. C'est super compliqué quand on les a toujours mis à l'extérieur. On les a toujours foutus sur des gens, dans des lieux, etc., ces racines-là. Donc voilà, en gros, une jolie métaphore de la situation. Ouais, je vois, et si j'essaye de faire un parallèle pour comparer et tout, mais c'est que j'ai... par exemple, pas grandi vraiment un endroit principal, mais j'ai beaucoup plus bougé et tout. Et du coup, très vite, en fait, au lieu d'avoir un endroit où il y avait mes racines, en fait, j'ai plus fait des espèces de... mais après, je faisais ça aussi avec les moments où, genre, les gens... genre, vu que je projetais beaucoup sur des personnes ou sur des objets, et en fait, j'en gardais un petit bout où, genre, je gardais un petit souvenir de chaque personne ou de chaque moment... et en fait, c'était un peu comme, tu sais, genre des sortes de poupées vaudou ou des sortes de micro-duplicateurs, mais micro-trucs que je pouvais emporter avec moi et qui me les rappelaient. Et en fait, c'est un peu ce que j'ai fait avec, bon bah, genre, toutes les maisons ont plus ou moins compté, dans lesquelles, tous les lieux dans lesquels j'ai vécu ont plus ou moins compté, certains beaucoup plus que d'autres. Et notamment, bah, genre, je pense que la Belge, tu vois, c'est celui qui a le plus compté. Mais du coup, c'est... j'ai pris ce truc-là, et justement, je veux pas y retourner, je veux pas voir comment ce serait, tu vois, à l'intérieur, parce qu'en fait, je veux pas que ça en change la vision que j'ai, et en fait, c'est un truc, justement, c'est cette projection qui m'appartient, et qui est à moi, et que par contre, ouais, bah, c'est comme, au lieu de, c'est pas, les, je pouvais pas prendre ces racines, mais bon, après, moi, mes racines, elles sont un peu dans plusieurs endroits, mais j'ai pas pu les prendre, mais du coup, j'ai pris, genre, une petite once, et tu sais, genre, je l'ai fait regermer, genre, avec moi, et genre, tout le temps... c'est tout le temps en moi et c'est tout le temps là. Et après, genre, je peux les reprojeter. Et genre, ce que je fais notamment, et c'était une des questions que je voulais te poser, c'est... on avait déjà un peu parlé, mais genre, par exemple, je les reprojette à chaque fois que je lis un bouquin. Genre, c'est cette... la maison, en fait, c'est comme si, hop, j'avais capté, genre, son image. Je l'ai pris avec moi dans la tête. Et hop, je lui redonne vie. Genre, dès que je lis un livre, genre, c'est cette maison-là, mais avec toute... mais c'est pas la vraie maison, c'est genre toutes les autres projections, et avec un peu des bouts d'autres maisons d'ailleurs, ou d'autres espaces que j'ai vécu, ou que j'avais déjà projeté dans d'autres bouquins, etc. Et en fait, c'est ça qui... c'est comme un petit truc portatif qui m'appartient. Et du coup, au final, c'est ni les feuilles ni les racines, c'est juste... comment on dit? Ouais, comme un... le tronc. Non, c'est un truc en miniature. Une miniature de ce truc qui m'accompagne partout. Et qui sera toujours là. Et du coup, je voulais te demander par rapport à ça, donc comment c'est... est-ce que ces projections-là, elles interagissaient aussi avec les autres récits, œuvres que tu croises dans ta vie, ou... non. Non. Pas tant que ça. Non. Très peu. Mais genre, quand tu lis un bouquin, tu imagines quoi, quoi? Tu imagines pas du tout les lieux que t'as fréquentés? T'arrives à imaginer des lieux totalement nouveaux? Et j'y projette beaucoup, d'ailleurs. Un peu trop. Mais parce que j'ai vraiment ce truc de vraiment, genre, je m'y crois. Un peu trop. Non, j'imagine pas forcément... Je m'imagine pas ça. Ça fout. Mais non, vraiment, je crée d'autres choses. Je suis dans la création totale. Constamment. Et en fait, je suis même en train de me demander si justement, c'est pas parce que j'ai la possibilité de créer énormément de nouvelles choses dans ma tête, parce que je sais que techniquement, le plus important, c'est quelque part. Enfin, c'est au centre, au milieu. Et du coup, je peux me permettre de m'éparpiller. C'est un peu ce truc-là, tu vois. C'est vraiment comme si, genre, j'avais le gros arbre mère qui est puissant, fort et tout. Vraiment, le truc en mode, mon gros pilier, il est là. Et après, du coup, moi, genre, je suis bien dessus. Puis du coup, là, j'ai la possibilité de faire ce que je veux, quoi. D'avoir autant de lianes, autant d'arbres secondaires, il n'y a pas de souci, quoi. Tant que ce truc, il est là. C'est super puissant, quoi. Et ça m'angoisse dans le sens où je me dis, mais oui, mais c'est ça, c'est que... il est mal foutu, en fait, au final, cet arbre. Tu vois, c'est l'arbre maison dans Avatar, tu vois. Mais il finit par être détruit. Non, mais je pense à ça depuis tout à l'heure. C'est un endroit où les prières sont entendues. Et parfois exaucées. On appelle ces arbres Utrayamokri, l'arbre des voix, les voix de nos ancêtres. Vivent dans Ewa. Tu es au Motikaya maintenant. Tu peux tailler ton arc dans le bois de l'arbre maison. Il finit par être détruit. Et il se casse. Tu vois. Et il y a ce truc de... Bah... Ouais, mais on n'y avait pas pensé, quoi. On n'avait pas ce petit arbre miniature qu'on pouvait mettre dans notre poche et dire, bon, bah ça va, il est un peu avec nous, on va aller n'importe où maintenant. Non, non, il est super là, il est puissant, il est mastodonte, tu vois. Mais une fois qu'il se détruit, il se détruit. Et c'est ça ce qui est angoissant, c'est de se dire, il va peut-être falloir que je pense à une autre manière. Parce que flemme de le perdre, en fait, cet arbre. Du coup, il faudrait que j'arrive à pouvoir un peu le déplacer. Donc, en fait, il ne faut pas forcément que je le mette dans des lieux, etc. Bref, c'est tout ce que... Le travail, en fait, optional, psychologique qu'il y a à faire autour de ça, à accepter ces choses-là et à essayer de détacher cet arbre, en fait. Ce que je suis en train de faire en ce moment, c'est d'essayer de détacher l'arbre du lieu. Et tu fais ça comment, par exemple ? En y travaillant énormément, en y pensant, en essayant de changer mon regard, à essayer d'effacer. Moi aussi, j'ai effacé petit à petit mes souvenirs et mes projections dedans. Et j'essayais juste de les mettre en moi et de me dire que voilà, elles seront là parce qu'elles sont en moi et plus parce que je les vois dans un endroit. Du coup, j'essaie de travailler là-dessus, sur cette espèce de truc de... On va faire cet arbre un peu plus mouvant, ce serait cool, parce que là, sinon, je n'ai plus rien. Mais en fait, c'est exactement la définition du deuil, ce que tu es en train de décrire. Ouais. C'est parce que le truc tel qu'il est concret ne peut plus. Du coup, comment le faire durer pas que son souvenir, mais qui reste vivant un peu avec nous, nous accompagne, qui reste là, mais sans genre non plus nous enfermer non plus, et nous permettre en fait de continuer à avancer sans qu'il, enfin, avec ce changement-là, mais en en gardant quand même quelque chose. Et t'as l'impression que t'as déjà réussi à faire ton deuil d'autres lieux, par exemple, par le passé ? Ouais. Bah, j'ai réussi à faire mon deuil de mon lieu d'enfance de base, à Toulouse. Je l'ai fait. Il a duré longtemps. Hein. Plusieurs années. Beaucoup d'années. Beaucoup, beaucoup d'années de deuil. Et tu sais quand et comment et pourquoi ? Quand ça s'est terminé ? Je pense que je sais maintenant quand ça s'est terminé. C'est à la fois triste et joyeux. C'est l'année dernière, j'y suis retournée. Ça faisait des années que j'y étais pas retournée. J'y suis retournée, et en plus avec ma coloc. Et du coup, c'était réellement un chemin très... je sais pas, spirituel, un espèce de truc, tu sais, genre vraiment où tu te dis ok, ça va être nécessaire pour avancer. C'est genre l'étape, il faut que tu fasses. C'est absolument ça qu'il faut faire. Et en fait, c'était très important pour moi de montrer ce lieu-là à ma coloc parce que c'est réellement, littéralement, ce qui m'a construit. C'est-à-dire que c'est vraiment, genre, ce lieu-là, c'est littéralement ma première construction en tant qu'être humain, en fait. C'est là. Et tout est imprégné là-dedans, en fait. Cet endroit, ce quartier, la maison, etc., il y a absolument ma construction d'être humain qui est là-bas. Et c'était ce truc de... ben, au final, j'arrive à être un être humain sans être là-bas. Donc, c'est chouette. Mais il y avait cette espèce de dissociation de ma vie avec ma coloc, qui est en plus une personne très proche de moi. On avait un lien assez cool. Et du coup, c'était un peu ça. C'était comme si elle représentait en fait ma vie à Bordeaux. Qui, voilà, ça se passait bien et tout. Je m'en étais sortie. Et je l'amenais dans mon lieu primaire. Tu vois, mon lieu de naissance de vie, quoi. Et ce truc en mode, ben, j'en ai parlé, etc. Et sauf qu'elle n'a jamais su. En fait, personne que je connais ici à Bordeaux ne me connaît en tant que moi, le noyau central de base qui ensuite s'est développé. Et là, c'était comme si je ramenais ma vie de Bordeaux à ce truc primaire, en fait, par le biais de ma coloc, quoi. Et que je lui montrais en mode, ben, ça c'est mon noyau de base. Et voilà, vous vous rencontrez enfin, enchantée. Et là, j'ai capté que j'avais pu faire mon deuil. J'ai fait un tour entier du village. Je lui ai tout montré dans le village. Et encore, je lui ai même pas montré la maison de mon ancienne meilleure amie de là-bas, qui est quand même aussi un lieu très important dans mon enfance, parce que c'était un peu genre mon deuxième lieu d'ancrage, cette maison. Et je lui ai fait visiter tout le village. Elle a tout vu, et j'ai vu les avancées, les changements qu'il y a eu ici. Et je le vivais bien, en vrai. Parce que, en fait, les souvenirs que j'ai là-bas, ils sont ultra puissants, quoi. C'est mes souvenirs de base, mon noyau dur, en fait. Donc, c'est super puissant. Donc, je vivais bien le fait que le village ait un peu changé et tout. Et je suis allée dans le quartier, j'ai vu la maison. Bah, là, littéralement, je me suis vue. Là, vraiment, littéralement, je me suis vue devant la maison, genre, voilà. Et en fait, j'ai vu la maison, ça m'a fait bizarre. Et en fait, j'ai vraiment eu ce sentiment de « je suis au retour au bercail ». Ça, c'est à moi, je connais tout. Genre, le moindre brin d'herbe, je le connais, en fait, ici. Je connais absolument tout d'ici. Genre, c'est le noyau dur, c'est chez moi, c'est le retour au bercail, je connais tout. Je suis là. Je me suis hantée et j'étais là-bas et j'étais en mode, mais... J'avais oublié que ce lieu, il existait dans la vraie vie. Genre, c'était mon noyau dur, mais dans ma tête. Et j'avais oublié que ce lieu-là existait dans la vraie vie. Et d'y être physiquement, c'était incroyable. Et je me suis baladée dans le quartier et je me suis vue courir. Et en fait, c'était comme si rien ne s'était produit. C'était comme si je n'étais jamais partie. C'était comme si, genre, ma coloc, en fait, c'était pas vraiment ma coloc. Enfin, ma vie à Bordeaux a cessé d'exister en un instant et je m'étais, genre... C'était comme si ma vie à Bordeaux, c'était une journée où juste j'étais partie une journée. Et là, j'étais revenue. Et c'était terminé. Genre, ma place, elle est là-bas, quoi. Enfin, bref, c'était super puissant. Et c'était génial. C'était génial parce que, en fait, là, j'ai compris que j'avais fait mon deuil. Parce que c'était super puissant, mais j'en étais joyeuse parce que je me suis dit, au final, je peux revenir quand je veux. Je me reverrai. Genre, moi, gamine à 7 ans, qui courait dans ce quartier-là, quand j'y vais, je me vois de loin courir dans le quartier. Genre, je me vois vraiment, littéralement, de mes propres yeux, je vois moi, bébé. Et du coup, j'étais en mode, ben en fait, il n'y a pas de souci. J'y retourne quand je veux, si je veux me revoir, je suis là-bas. Donc j'y retourne et je me revois. Et là, j'ai compris que j'avais fait mon deuil. Peu importe... Les choses qui changent lentement. Forcément, il y a des trucs qui changent, mais je sais pas, j'ai eu ce sentiment que ce petit espace-là, ce petit quartier-là, il allait pas trop changer, tu vois. Ça allait pas changer. Vous allez pas le démolir, tu vois. le verger qu'il y avait à côté, ils vont pas l'enlever. Le vélo trial qu'il y a au fond, tu vois. Enfin, ces trucs-là, tu vois, genre l'aménagement du quartier et tout, genre en l'espace de 7 ans, il avait pas bougé. Pas bougé. J'étais en mode, ok, pas de soucis. Ça veut dire que je peux revenir quand je veux et ça sera là, quoi. Genre, c'était les mêmes peintures sur l'abri de bus, quoi. J'étais en mode, mais c'est une blague. Genre, limite. On va l'enlever, c'est des gamins qui l'ont fait. C'est genre, limite, le même toboggan et le même sapin, quoi. J'étais en mode, ah ! Incroyable. Du coup, voilà. Ses parents, on a fait le même truc un peu, mais pas ensemble et sans forcément en parler et sans ressentir la même chose. Mais on l'a jamais fait ensemble. Peut-être que sur le coup, il fallait qu'on le fasse séparément et ensuite on y retourne ensemble. Ouais, je pense que peut-être on n'y projette pas la même chose aussi parce que. Je pense que moi, ce lieu, il a moins de sens, par exemple, sans toi, tu vois. Parce que j'étais dans un truc où... Bah, tous mes souvenirs, en fait, c'était essentiellement lié à ce qu'on y a projeté dans nos jeux ensemble. Alors que toi, tu y as beaucoup plus vécu aussi dans ton univers à toi, parce que tu es resté à jouer longtemps, alors que moi, à un moment, je m'y suis aussi détachée, tu vois. Go to school and get a good job. Just to work your life away and pay your debts. And even those who live their dreams out cry, cause all that glitters ain't what you expect. Sometimes I don't wanna sing no more. Slit my throat and take my music back from evil men. They could put my body in the ocean. So I could die wearing a smile and maybe find peace again. Spent my whole life being graded, being told I'm not enough. Being told go find the one and sit and wait for death to come. But I don't wanna, I need to talk to God. There's things I just don't understand. Like who am I when no one's in the room? Who does the voice in my head that talks me off the ledge belong to me, or does it come from the clouds? Who am I when no one's in the room? Vices only pacify for the moment. Vices that they made to hold our pain. Vices only pacify for the moment. Vices that they made to hold our pain. Spend your whole life being graded, being told you're not enough. Being told go find the one and sit and wait for death to come. But I don't want, I need to talk to God. There's things I just don't understand. Like who am I when no one's in the room? Who am I when no one's in the room? Just a voice in my head that talks me off the ledge. Belong to me or does it come from the clouds? Who am I when no one's in the room? Sur ce que représentent les lieux de façon générale, sur recontextualiser par rapport au confinement, est-ce que ça t'avait changé ton rapport au lieu? Ouais, de ouf. Enfin, ah, c'est-à-dire changer son rapport? Je sais pas, est-ce que le fait de se retrouver dans un même lieu, notamment son lieu de vie, dans un temps encore plus long, etc., ça a changé des choses à Ça a juste renforcé mes repères. C'est terrible, hein. Ce confinement, en fait, c'est totalement contre-productif de ce qui s'est passé après, quoi. C'est que, en fait, on m'a confinée pendant 2 mois, j'ai renforcé mes projections et mes repères dans les trucs, mais puissance 10 000, avec cette certitude que ça bougerait pas. En même temps, c'était la première fois de ma vie que le monde entier arrêtait de bouger. Donc moi, j'étais mais au summum du bien-être. J'étais en mode, putain, mais ça s'est arrêté, c'est génial. Genre, merci, en fait, d'avoir cette pause. Genre, enfin, je peux dire que rien ne bouge. Et du coup, je suis bien, parce que les choses, elles restent comme elles sont, tu vois. C'était cool. C'était cool. Et du coup, genre, ça a fondu en moi une certaine certitude, en mode, ça bougera pas. C'est comme ça, ça bougera pas, là, on est bien, là. Ça bouge pas, là. Mon appart avec ma coloc, ça bouge pas, là. C'est cool. Ma maison parentale, elle bouge pas, là. C'est bien, là, elle bouge pas. Un an plus tard. Un an plus tard, il n'y a plus rien. Plus d'appart, plus de coloc, plus de maison parentale. Plus de... Plus rien de ce que j'ai connu, en fait. Genre, la famille qui était ensemble et tout, machin et tout. Parce que j'étais la seule qui n'était pas confinée avec ma famille dans la famille. J'étais avec ma coloc. Et du coup, il y avait aussi ces trucs de certitude en mode, oh, bah ils sont ensemble, tous, c'est là, ça va. Ça me fait rire de ouf, parce qu'en vrai, là, ce printemps-là, j'ai juste qu'une seule envie, c'est de le revivre comme l'année dernière. C'est horrible, dans le sens où quand même, au bout d'un moment, je l'ai mal vécu, parce que bah, t'as envie de pouvoir respirer quand t'en as envie, t'as envie de pouvoir bouger et tout ça, machin. Mais il y avait ce truc de... Il y avait ce truc, en fait, ouais, juste ça me manque, le confinement, juste dans le sens où ce sentiment de... Cette mini-certitude de se dire que ça va pas bouger. Ou que rien ne bouge, en fait, pour la première fois. C'est clair. Je comprends. Mais c'est vrai que, en vrai, c'est bien que ça bouge, parce que c'est vrai que... on l'a tous compris, c'est qu'à la fin du confinement... Bah, c'est horrible aussi quand ça bouge pas, genre ça devient extrêmement angoissant et insupportable. On a besoin de mouvement, en vrai. Du coup, au final, comme beaucoup de monde, ça nous a appris beaucoup de choses. Moi qui déteste le changement et qui avait qu'une seule envie, c'est que les choses arrêtent de changer tout le temps. J'ai eu ça pendant 2 mois et à la fin de 2 mois, j'étais contente quand même de retrouver le changement. Donc au final, ça peut faire relativiser. Bah oui, mais parce que je pense qu'aussi, enfin après tu me dis si je me trompe, mais parce que les projections aussi, elles ont besoin quand même d'un certain, au moins que nous, soi-même, pas que les trucs bougent, mais que nous on puisse bouger pour reprojeter des nouveaux trucs et respirer et tout, parce que sinon c'est comme vivre dans un musée, genre tout est musée, enfin, mettre tout sous vide, etc. Enfin, il y a plus ce truc de vie, de, enfin oui, ça en tue la projection aussi, quoi, parce que finalement c'est la même chose. En fait. Ouais. Et après, je peux pas trop parler non plus que de lieu sans parler de... Enfin, en tout cas, moi, c'est un truc qui me parle beaucoup aussi de d'insécurité et de sécurité. Et aussi, il y a un truc, bah... Là, dans notre société, les lieux, notamment les lieux de vie, ils sont liés avec un truc qui est l'argent et la précarité aussi. Et je sais pas si t'as un truc, enfin... Est-ce que ça change quelque chose, enfin... Oui, l'argent dans le fait de pouvoir se sentir bien ou pas dans un lieu. Ouais, si forcément ça intervient. Alors, ça dépend. Malheureusement, un lieu agréable, c'est pas tout le temps accessible. Donc ça, c'est assez chiant. Parce que si t'as pas l'argent, tu peux pas avoir un lieu en termes d'espace qui pourrait te convenir. Et après, sinon, pour s'y sentir bien, il n'y a pas besoin d'argent. Je pense que la preuve, c'est l'appartement dans lequel je suis. Et je m'y sens bien. L'appartement dans lequel je suis, là, la contrainte de si on n'avait pas du tout d'argent, genre on était vraiment très précaire en termes d'argent, qu'on n'avait pas d'aide extérieure, etc., pour nous aider, cet appart, on n'aurait pas pu le prendre, même si on était en coloc, qu'on divisait tout par deux, etc., il aurait quand même fallu qu'on travaille avec un contrat beaucoup plus lourd que l'on avait cette année, pour avoir beaucoup plus d'argent, parce que sinon, on ne pouvait pas tenir sur tout. Et donc là, forcément, ça intervient, mais après, sinon, on s'y sent bien, alors que on a investi que dalle, techniquement, dedans, tu vois. Genre, enfin, je sais pas du tout si ça répond à ta question, mais on a créé notre appartement comme il nous plaisait, avec des trucs qu'on ramenait de l'extérieur, la récup, plein de choses comme ça, et ensuite juste on l'a fait vivre par notre présence et du coup on s'est senti super bien. À partir du moment où il est salubre, on va dire. Que... Oui, voilà, c'est ça. Mais après, je pensais aussi au fait que bah, par rapport au... à tes besoins de genre pouvoir faire les deuils et tu vois, par exemple, le temps dont t'avais besoin là par rapport à la maison, ça c'est un truc qui t'a pas été accordé pour des questions d'argent finalement parce qu'il fallait vendre vite, vraiment vite et que bah, c'était juste pas possible financièrement et du coup ça impacte aussi le fait. Enfin, le fait qu'on est à des moments, on est obligé de changer très vite de logement, etc., et qu'on n'a pas le temps, en fait, de faire les processus qui seraient nécessaires pour nous, parce que déjà que c'est hyper galère, l'immobilier, le truc, de se retrouver à se loger, de tout ça, et que, on a quand même, oui, la chance d'avoir un matelas financier qui nous permette au moins de trouver des endroits à peu près bien, on peut quand même projeter des trucs, mais. Et ma dernière question, c'était, bah, du coup, il y a aussi ce podcast, il intervient suite à un autre lieu qu'on a quitté, qui a été important pour nous aussi. Mais qui était voué, pour le coup, cette fois, à être temporaire. C'est ça, en fait. Parce que c'était un squat, on peut le dire. C'était un squat, et je pense que, du coup... le fait que ça soit temporaire, et que ça a été dit dès le début... a fait que je l'ai super bien vécu, quoi. C'est-à-dire que je l'ai bien vécu sur l'instant présent. C'est le seul lieu que j'ai vécu sur l'instant présent. Toutes les choses positives, je les prenais. Enfin, je vivais le présent, mais à 2000%. Et en plus, il y avait ce truc de... comme c'est un squat et tout, t'avais pas de portable ou quoi. Donc t'as pas ce bail de photos, vidéos, de ces moments qui te sont chers. Et juste, en fait, pour moi, ce qui rivalise avec une vidéo d'un souvenir, tu vois, c'est la puissance du souvenir. Comment tu l'as vécu sur l'instant présent, tellement c'est puissant. Ben, en fait, t'as même plus besoin de vidéo, tellement il est puissant, le souvenir. Et du coup, c'est ce que j'en ai fait pendant que j'ai vécu dans ce squat-là. Et j'ai eu plein de bons souvenirs. Et ce qui était bien... et à la fois pas cool, mais c'est l'histoire du lieu, il s'est passé comme ça. Mais avant, à la fin, il a été énormément déserté, ce lieu-là, par... il n'y avait plus la vie qu'il y avait sur le début. L'euphorie, les personnes avec qui on s'entendait, etc., sur le début. Tout le monde a commencé à le quitter un peu. Et ça, en fait, ça a commencé parce que je pense que tout le monde a commencé à faire son processus de deuil avant l'expulsion de ce squat-là. Et du coup, tout le monde l'a déserté. Et il a changé. Et en fait, des fois, on s'y retrouvait là-bas, parce qu'on continuait à profiter du fait qu'il soit là, mais en fait, on a un peu tous fait notre deuil avant qu'il soit expulsé, ou en tout cas, on essayait. Et enfin, je sais pas, et en fait, au final, genre, c'est la première fois où je me suis dit, c'est un lieu qui va disparaître, mais je l'aurais quitté sur une bonne note. Et j'aurais super bien vécu les bails. J'ai gardé les bons souvenirs avec moi. Du coup, c'est OK. Du coup, en fait, je sais pas. Moi, je le vis bien. Ça fait mal, pour l'instant, de se dire, bon, bah, il n'y a plus de retour en arrière. Mais pour l'instant, je le vis bien. Ce deuil-là. Parce que je pense que j'ai eu le temps de le faire. Parce que je pense que si, enfin, par rapport à ce que tu dis, ouais, je pense qu'il y a eu une forme de, genre, les gens ont commencé à faire leur deuil. Mais aussi, il y a beaucoup de gens... C'était un lieu, en fait, qui a permis la rencontre entre beaucoup de personnes, mais qui, après, au final, n'était pas dans un... C'était pas un squat qui était... Enfin, après, ça l'est devenu, et c'est bien que ça le soit devenu, pour qu'il ait vraiment été, genre, du coup, pour les personnes qui n'avaient vraiment pas d'autres logements. Et du coup, aussi, on a respecté le fait que ça devenait un lieu de vie. Mais quand, à la base, ça ne l'était pas. C'était un lieu fait pour être... pour organiser des événements, des choses et des rencontres. Et aussi pour être une sorte un peu de, enfin, de lieu un peu refuge, hein, dans un moment de confinement, mesure, couvre-feu, où on n'avait plus du tout de possibilité de se déplacer et de se retrouver dans d'autres espaces. Et du coup, en fait, il a joué ce rôle-là, et une fois qu'il a joué ce rôle et qu'il a permis ses rencontres, ben, en fait, comme les autres, les personnes qui se sont rencontrées avaient quand même des lieux de vie finalement, ben en fait, petit à petit, genre les soirées, les endroits de rencontre, de discussion, d'échange, se sont faits ailleurs, en dehors du lieu, quoi. Enfin, elles se faisaient dans les apparts des personnes, à Saint-Mich, enfin... Et du coup, ben, il y avait plus ce besoin finalement, et ce lieu est resté pour des personnes qui avaient vraiment besoin de se loger à ce moment-là, quoi. Mm. Et du coup, je pense que c'est un peu une dynamique logique, et en même temps, ouais, en même temps, ça reste page qui se tourne, et moi, je me demande un peu quand même, enfin, le fait, il y a un peu aussi le côté de, je trouve que ça te ramène à la violence de ce que c'est, genre, la propriété, finalement, de ce qu'un pauvre gars qui n'y a pas, genre, rien investi d'émotionnel et de créatif que tout ce qu'on a créé a comme droit sur ce truc-là, et de se dire que, enfin, on sait pas ce que ça va redevenir, mais qu'il va rebouger alors qu'il est juste là à côté et qu'on peut juste plus y être, enfin, moi je trouve que c'est, ouais, une violence. Bon, et puis parce que peut-être ça fait pas mal d'expulsions en quelques mois, là, de trucs. Et entre ça et les déménagements, mais bon. Enfin, bon, voilà. Je sais pas si tu veux rajouter quelque chose sur les lieux. Non. Ou si t'as, par exemple, je sais pas, même des recommandations de, je sais pas, même de films, de livres qui parlent du rapport à ça, du rapport au lieu dans lequel tu te reconnais, ou de personnages, tu vois, qui auraient peut-être le même rapport au lieu que toi t'as. Et qui t'a parlé? Non, pas tellement. Je sais pas, j'ai pas l'impression de m'être vraiment entourée de représentations de, de personnages ou de films qui parlent de ça, en fait. Parce que peut-être j'avais pas besoin de ce genre de représentation-là autour de moi. J'avais besoin de d'autres représentations, d'autres sources d'inspiration, etc. que ça. Et je pense qu'en fait, au final, je me suis même 10 fois plus entourée de représentations de gens qui n'ont pas d'attache à des lieux. Mm. Et qui ont aussi cette espèce des gens, de personnages qui m'inspiraient. C'était souvent des personnages qui avaient une certaine force, qui n'avaient pas forcément d'attache à un lieu. Et que du coup... Je me projetais dedans, en sens... Ah, si j'avais pas d'attache à un lieu... Enfin, c'est possible, en fait. D'être bien sans ces vieilles attaches-là. Et c'est une façon, je pense, de te permettre de te rassurer que ça peut toujours être... Ouais. Hein. Que s'il y a des personnes qui vivent comme ça, c'est que tu... Peut-être qu'à un moment, tu pourras y arriver aussi. Ouais. C'est vraiment ça, c'est juste au contraire, je m'entoure essentiellement de gens qui ne sont pas comme moi pour vraiment genre me projeter dans un autre chose que de personnes qui me ressemblent pour juste en fait me confronter dans ma vision. Mm. Mais ouais. Je capte. Après sinon, c'est juste, c'est pas un film incroyable, mais c'est un film qui reprend cette thématique de souvenirs, de lieux, etc. qui se passe en Israël. C'est un film français, hein. Avec, y a Géraldine Nakache dedans. Et c'est... truc avec A3, machin truc. Il s'agit du film Atlit de Shirel Anitei. Effectivement, avec Géraldine Nakache. On va être bien, on va être bien. On va se faire des beignets. Ah, bien. On promet de pas se bagarrer. Moi, j'aimerais bien garder les robes de maman. Allez, hop, hop, hop. Liquidation totale. Et ouais, c'est un film, mais il est pas incroyable. C'est juste que quand je l'avais vu, je me rappelle qu'il m'avait marqué juste parce que bah il traitait exactement cette thématique là de ce lieu, en gros, bah que les parents sont morts, elles ont cette maison familiale en Israël qui est là, elles sont 3 sœurs, il y a le contexte aussi politique qui est un peu mêlé, et c'est ce truc de il y en a qui veulent le vendre à tout prix parce qu'en fait elles ont besoin de thunes, quoi. Il y en a d'autres qui sont en mode, ouais, mais non, quand même, il y a des souvenirs dedans et tout, il y a tout cet espéré-là. Bon, après, il a une jolie fin, donc je pense que c'était en fait juste la fin que j'aurais bien voulu avoir. Malheureusement, on ne peut pas tous avoir une fin comme ça. Mais en tout cas, il traite vraiment ce truc-là. Non, une fratrie de 3 sœurs, le rapport qu'elles ont avec le lieu, du coup, parental de leur enfance dans lequel elles ont grandi. Et tout le film tourne autour de ce truc-là, de ce lieu, en fait, que en fait ce lieu il vit réellement. Mm. Genre les parents qui sont plus là sont quand même dans ce lieu là genre ils sont vraiment dans ce lieu, et je trouve que, enfin, au final, c'est pas un film incroyable, Mais par rapport à cette thématique-là, il le traite assez bien. En tout cas. Moi, je pense à deux rêves. Je sais pas si tu les as vus. Une qui va totalement à l'opposé de ton... de ta vision. C'est Into the Wild. Enfin, genre, de ce besoin-là. Ouais. Parce que, genre... Et même moi, genre, ça me... choquée. Et en fait, genre, je sais que justement, je me suis un peu dit, ok, j'ai envie d'essayer de faire comme ça, mais sur le coup, j'étais hyper vénère, genre, j'étais en mode, mais quoi, mais, genre, il a aucune attache, il a pas de cœur, genre, comment il peut passer, genre, quitter les gens et les lieux comme ça, et genre, juste s'inventer, genre, sans créer n'importe où. Enfin, je trouvais ça, ouais, scandaleusement libre et en même temps, je sais pas comment expliquer, mais ça m'avait vraiment perturbé ce film. Et après, rien à voir, mais Moteur, de Darren Aronofsky. Qu'il a un film avec, horrible, Jennifer Lawrence. Mais non, mais il est affreux, ce film, il m'a trop mal. Mais, oui, ah, mais non, là, pour le coup, avec une maison qui... Bébé et tout, là, mais c'est bon, après, il y a plein d'autres trucs dessus et tout, enfin, c'est du Aronofsky, mais sur la maison qui est complètement vivante, en fait, et qui pour qui le coup, absorbe. En fait, mais qui absorbe tout, et qui... Et là, en termes de projection et tout, en fait, elle bouge selon tout ce que... Et elle projette dedans et tout, enfin... Non, mais c'est filmé atroce. Oui, non, enfin, il est horrible. Lui, il est très bien, mais... D'un point de vue esthétique, il est très beau, mais... Non, mais d'un point de vue scénario, il est... Enfin, c'est un très bon film, quoi, mais... il te fait mal. Ouais, c'est vrai que c'est vrai. Non. Ah ouais, non, Mauvais. Oh, putain. Et je me rappelle, une fois, je l'ai regardé et je savais même pas à quoi j'allais m'attendre. Ah, oui. Et je l'ai regardé, j'étais seule dans cette maison, là. Et genre vraiment, genre, j'ai eu ce réflexe pour vraiment l'intermède, je dois me détacher absolument de ce film horrible que je regarde. Genre, j'étais en mode, je sais pas ce qu'il me réserve, mais je sens que c'est pas cool. Je suis allée sur Wikipédia, en même temps de regarder le film, j'ai lu le résumé détaillé, scène par scène, tout en regardant le film, et du coup j'avais genre... 3 scènes d'avance, et en fait, je lisais le résumé de Wikipédia et j'étais en mode ah oui, il se passe bien ça en effet. C'est de pire en pire, c'est de pire en pire ce film. Et voilà, j'ai regardé ce film en lisant son résumé oui, en même temps. Pour avoir le recul. Pour avoir énormément de recul et ne surtout pas être atteinte par ce film. Et au final, ça m'a sauvée. J'ai pas été aussi atteinte. Bon, je t'avoue, j'ai éteint la télé, j'étais pas bien. Genre, je me suis dit, je vais regarder un truc très très niais, très simple, tout de suite là maintenant pour. Voilà, mettre mon cerveau sur une meilleure vibe. Mais oui, ça m'a préservé de lire le résumé en même temps. Ok, et pour finir, c'est quoi le meilleur... l'odeur du lieu que tu préfères? L'odeur? Ouais. Dans mon lieu, il y a telle odeur que j'aime trop. C'est dans une comme ça. Je vais faire. Enfin, il faudrait que tu fasses ça pour tous les sens. Je sais pas pourquoi, mais j'aurais tendance à dire que l'odeur que j'aime bien dans un lieu. Bon, c'est un peu con de dire ça parce que dans le lieu où je vis principalement, dans mon appart, je fume à l'intérieur, donc c'est très souvent une odeur de tabac froid. Ouais. Et ce n'est pas l'odeur que j'aime. Mais au bout d'un moment, je ne la sens plus. Donc, du coup, là, j'aime bien l'odeur du petit encens que je mets, comme ça court, c'est cool. Mais sinon, moi, ce que j'aime bien, c'est les odeurs de cuisine. Je trouve que ça embobe une pièce. Et j'allais dire aussi l'odeur de la lessive. Genre, tu vois, de ces vêtements propres qui sentent bon. Ah, ça dépend laquelle, hein. Mais oui. Ça dépend quelle lessive. Mais une bonne lessive, tu vois, de ces vêtements qui sont propres et qui sentent bon. Mmh. Et que du coup, genre, tu sais, par exemple, dans une pièce avec que des vêtements propres, t'as une petite odeur de doux, de savon, tu vois, l'odeur du savon. J'aime bien ça. Et le bruit qui te fait du bien dans un lieu. Je sais pas. Peut-être le. Soit le silence, mais le silence choisi, tu vois. Pas le silence qui angoisse. Silence qui te fait du bien, silence qui te repose, ou tu sais, genre ce truc avec la petite musique en fond. Mais ça, c'est plus quand t'es seule. Après, je sais que dans un lieu, ce que j'aime, c'est le savoir qu'il y a de la vie dedans. Et du coup, ce que j'adore de kiffer qu'il y ait de la vie, c'est par exemple du coup les odeurs de cuisine, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui vit tout dans le truc. Et il y a le fait que par exemple le matin, toi t'es encore dans ton lit, tu vois, tu dors. Mais autour il y a des gens qui sont réveillés, qui parlent un peu entre eux, qui mettent un peu de musique. Et qui sont là et qui vivent le lieu, et toi t'as pas commencé à l'investir qu'il y a déjà de la vie. Ça j'adore. Genre limite je pourrais ne même pas genre aller voir les gens qui sont dans le salon et qui parlent. Juste rester dans ma chambre et les écouter parler. C'est un pur bonheur. Et le toucher. Le toucher d'un lit. J'adore les lits. Les lits ou un petit fauteuil bien agréable, un petit plaid. Enfin, non, en fait, non. Même pas. Non, vraiment, le lit. Le lit, vraiment. Toucher d'un drap, quoi. Le visuel qui te fait du bien. Je dirais un salon. Un salon avec beaucoup de lumière. Ok. Ouais. Et le goût. Je pense que le goût de ce que je mange la plupart du temps et que en vrai ça me fait toujours du bien d'en manger, c'est le goût de pâtes carbonara. Si je mange des pâtes carbonara quelque part, du coup je me sentirais bien. Ok, ça noté. Si vous voulez inviter Mocha, genre faites des pâtes carbonara dans un salon lumineux avec des trucs sur un lit et avec des gens qui discutent et de musique. Voilà, enfin c'est l'atmosphère. Je suis au sommet du bien-être. Ok, bah merci à toi. Merci de votre écoute. En lien avec les questions d'errance, du sens des attaches et du foyer, je vous conseille de courir aller voir le dernier film de Chloé Zhao, Nomadland. You are one of those lucky people that can travel anywhere. Yes, ma'am. And they sometimes call you nomads. My mom says that you're homeless. Is that true? No, I'm not homeless. I'm just houseless. Not the same thing, right? No. Et plutôt axé sur les questions de famille, transmission, autour ou au creux d'une maison familiale, le dernier film Petite Maman de Céline Sciamma est assez doux également. Je vous laisse découvrir tout ça et vous retrouve la semaine prochaine sur un tout autre sujet. Ciao! Prenez soin de votre corps, c'est le seul endroit où vous êtes forcé de vivre. La santé, c'est un esprit sain dans un corps sain. Abra le corps.